Je vous souhaite un très bel après-midi. Il se poursuit tout de suite avec Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. L'exposition conçue pour le peuple suisse. Les questions brûlantes, c'est jamais le moment de les poser, pour certains. Cette semaine, l'Expo 64. On ne nous demande pas de renoncer à la liberté, on nous demande de se conformer. D'une ouverture d'esprit à une fermeture de principe. Qu'est-ce que c'est qu'un Suisse ? L'amnésie d'un géant nommé Gulliver. Peut-être que Gulliver est l'emmerdeur parce qu'il est trop grand dans un pays où tout le monde se révèle petit, mais enfin, il fait peur. Nous avons laissé hier notre affaire Gulliver en suspension, et pour cause. Le propre des feuilletons n'est-il pas de profiter d'un coup de théâtre ? Et quel coup de théâtre pour le journaliste Gaspard Lamunière et le réalisateur Bertrand Teubé d'apprendre que quelque part dans le monde, exactement aux États-Unis, une université s'était intéressée au phénomène incroyable du sondage de Charles Apotello pour Expo 64. Pour l'équipe de la télévision suisse romande qui réalise alors le documentaire, c'est enfin une bonne nouvelle qui change un peu de l'ordinaire. Il est vrai, le film s'appuie sur deux absents de marque, les principaux protagonistes, Charles Apotello et Hans-Georg Giger, tous deux décédés précédemment, et un vide abyssal concernant les archives et les documents. Ce documentaire fonctionne sur la mémoire, mémoire de tous les interviewés qui sont allés fouiller dans leur conscience, dans leurs archives aussi, tout en posant la question du refus de la mémoire, ce refus obstiné qui continue aujourd'hui à vouloir ignorer ce que fut cette extraordinaire expérience et à en extraire toute la richesse. Rencontre donc aujourd'hui avec Gaspard Lamunière, co-auteur avec Bertrand Teubé du secret de Gulliver. Chapitre 1. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites de beau ces jours ? Alors bon, en ce moment je fais un reportage tout à fait différent qui concerne la sécurité aérienne. Et comme il y a des projections très alarmistes quant à l'évolution du trafic aérien et proportionnellement le nombre d'accidents qui va augmenter et qu'on nous prédit un gros crash par semaine d'ici une dizaine d'années, on s'est dit que c'était l'occasion de s'intéresser à ce dossier et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'on en arrive là. Comment arrive-t-on à un sujet 30 ans plus tard, alors que celui-ci, le sujet, semble enfoui dans les caves les plus basses et les plus hermétiquement closes, Gaspard Lamunière. Alors, l'histoire est assez amusante en soi, parce que le réalisateur avec qui j'ai fait cette enquête, Bertrand Teubé, était dans la maison ici, était monteur autrefois, et dans les années 80, il avait monté une émission où Charles Apotello parlait déjà de cette affaire de Gulliver. Et Bertrand, qui est quelqu'un qui n'a pas fait particulièrement d'études en sociologie ou comme ça, était fasciné par cette histoire. Apotello lui avait d'ailleurs dit « Mais viens chercher ces papiers dans ma cave, personne n'en veut, etc. » Et Bertrand, qui n'avait aucune formation pour le faire, bon, ben, c'était resté toujours dans un petit coin de sa tête. Et quelques années plus tard, en fait, il travaillait sur un gros documentaire qu'il faisait pour la télévision sur la Suisse et l'histoire suisse, et il pensait faire un volet de ce documentaire autour de Gulliver. Donc il a recreusé ça, il a retrouvé un certain nombre de choses, et à ce moment-là, il s'est dit non, c'est une émission en soi. Et donc, comme on était planifié ensemble à temps présent, il savait que j'étais moi-même sociologue de formation avant d'être journaliste, donc il a senti que ça allait me captiver. Et en 5 minutes, il m'a convaincu et on l'a proposé le sujet au producteur de temps présent qui l'ont immédiatement accepté. Et voilà comment toute l'histoire a commencé. Extrait de Le secret de Gulliver de Gaspard Lamunière et Bertrand Tebet. C'est bien après la fin de l'expo, certainement, qu'une université américaine s'est intéressée à ça et qu'il a fallu, en catastrophe, c'est Abetello qui s'est occupé de ça, il a trouvé le seul organisme à Lausanne qui pouvait faire des microfilms et il a fait mettre ça sur microfilm. Cette nouvelle piste nous ramène une fois encore aux archives de Lausanne, où nous retrouvons des documents confirmant l'existence de ces microfilms. Dans les archives relatives au théâtre des Faunets, nous avons un devis de la société Paris-Burjat qui propose la réalisation soit d'un microfilm en 16 mm, soit d'un microfilm en 35 mm pour les 40, un peu plus de 40 000 pages A4 que représentent les documents à microfilmer. Ces microfilms étaient destinés à un certain professeur Narol qui enseignait dans une université américaine. La localisation de son université s'avère des plus difficiles. Et alors j'ai réussi à contacter Madame Frada Narol, qui est la veuve du professeur. Là. Parallèlement, nous apprenons par un de nos collaborateurs à New York que si ces microfilms existent toujours, ils sont à l'université de Buffalo, entre les mains du doyen de la faculté d'anthropologie, le professeur Milisoskas. J'ai réussi finalement à l'atteindre hier et il m'a confirmé que c'était bien les documents que vous recherchiez. Il m'a aussi confirmé qu'il était prêt à en faire une copie, un double, à les mettre à disposition. Un détail pose encore problème. Le professeur Milisoskas nous rend attentif à une lettre de la direction de l'expo qui affirme: une fois les travaux du professeur Narol achevés, ces microfilms ne devront en aucun cas être rendus publics. Alors, la première, je dirais, vraiment grande victoire, ça a été ce téléphone à New York. Quand on est convaincu que ces microfilms existent, quand on apprend qu'ils sont disposés à nous en remettre une copie, c'est vrai que ça, c'est, pour un journaliste, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Je crois que c'est le rêve de beaucoup de confrères, d'une fois, de retrouver comme ça la trace de quelque chose qui est quand même très important pour notre mémoire collective. Quand vous revenez depuis les États-Unis, vous avez quand même l'impression de transporter une bombe, parce que il vous a été indiqué, c'est dans le coup de téléphone, il n'est pas question d'utiliser ce matériel. C'est quand même du matériel interdit, c'est du top secret cette histoire. Surtout que c'est des microfilms. Et c'est ça, c'est extraordinaire, parce que pour ma génération, un microfilm, c'est les films d'espionnage des années 50 ou 40. Donc, il faut vous imaginer que ce carton, en plus, arrivant à la douane, à l'aéroport, à Cointrin, à Genève, avec le douanier qui m'arrête, puis qui me dit « Mais c'est quoi ce carton ?» Et je dis « C'est des microfilms. » Et là, il fallait voir la tête du douanier. Disons, il était là, mais enfin, lui aussi se croyait dans un film d'espionnage et j'ai dû tout expliquer ce que c'était. Ils ont même ouvert une boîte pour s'assurer que c'était bien ça, etc. Donc c'est vrai que, bon, là, j'avais vraiment le sentiment de oui, c'est une page d'histoire de notre pays quand même. C'est une page d'histoire de notre pays. En quittant Buffalo, nous promettons au doyen de faire un bon usage de ces précieux documents. Voilà. De retour en Suisse, nous avons rendez-vous avec le professeur René Lévy qui enseigne la sociologie à l'université de Lausanne. C'est formidable, il y a des tableaux entiers très impressionnants, peut-être même annotés, ça je ne peux pas le voir. Eh bien, on a envie de s'y mettre. Une analyse plus poussée des microfilms montre qu'il s'agit en fait des résultats de la pré-enquête. Pour René Lévy, ces résultats sont encore plus intéressants que ceux de Gulliver parce qu'ils contiennent des entretiens beaucoup plus approfondis qui peuvent donner une photographie de la Suisse de 1964. C'est une occasion tout à fait unique de récupérer une enquête tout à fait intéressante, très bien conçue, qu'on croyait perdue. Et alors, le fait qu'il n'y ait aucune trace de tout ça en Suisse, mais qu'on en retrouve la trace dans une université américaine, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est hallucinant, et en même temps, c'est très réjouissant, bien sûr, parce qu'on doit à l'oncle Sam que ces données de la première enquête sur l'état d'âme et les valeurs des Suisses, et aussi un peu leur situation sociale, ne soient pas perdues à tout jamais. C'est formidable. Maintenant, on va parler du présent, parce qu'on a fait toute cette semaine où on raconte cette histoire absolument incroyable. Et votre film, qui a été tourné en 98, quelque chose comme ça, vous terminez le film en disant, bon, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à utiliser, il n'y a plus qu'à mettre en marche cette chose éteinte. Qu'en est-il, alors, ces microfilms? Est-ce qu'ils sont exploités, pas exploités? Alors, on a un peu perdu le contact avec le professeur Lévy à qui nous avions donc remis ces microfilms. Si on les lui avait remis à lui, c'est qu'il nous avait aussi aidé dans cette recherche. Nous avons beaucoup collaboré à un moment donné, et notamment pour retrouver la trace de ce fameux professeur Narol. Il nous avait aidé et il avait aussi des contacts. Donc, lui étant très désireux et curieux de ce matériel, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a déposé une demande au Fonds national de la recherche scientifique comme il le disait dans le documentaire, retranscrire ses entretiens en profondeur, etc. Par contre, on ne sait pas ce qu'est devenu cette requête, et à notre connaissance, disons, en tout cas à voir les différents journalistes qui ont par la suite reparlé de cette affaire, visiblement rien ne s'est fait, donc vraisemblablement ces microfilms n'ont toujours pas été exploités, ce qui est quand même dommage. Une Suisse, un constat réaliste de la Suisse d'aujourd'hui, vu par le bel Hubert, par ailleurs fournisseur officiel d'absinthe du chanteur Renaud. Comment faire un pays heureux en étant si peu chaleureux? C'est bien joli un pays vert, mais pas tant qu'un pays ouvert. Comment faire un pays honnête en étant juste à moitié net? À trop vouloir faire pour les riches, on est juste un pays qui triche. On est juste un pays qui triche. Quelques cabanons barbelés dans le bruit de l'aéroport. On n'a pas mis des miradors, mais il faut sortir pour pisser. Pour les étrangers qui ont du blé, on a le quai Gustave Adolphe, secret bancaire baignoire en or, les bases de l'hospitalité. Comment faire un pays heureux en étant si peu chaleureux? C'est bien joli un pays vert, mais pas tant qu'un pays ouvert. Comment faire un pays honnête en étant juste à moitié net? À trop vouloir faire pour les riches, on est juste un pays qui triche. On est juste un pays qui triche. La petite vendeuse de la Migros peut vraiment rien pour ses impôts. Quand elle a payé son loyer, elle est simplement lessivée. La petite vendeuse de la Copée revérifie sa fiche de paye. Quand elle voit sa pile de factures, elle trouve la vie carrément dure. Comment faire un pays heureux en étant si peu chaleureux? C'est bien joli un pays vert, mais pas tant qu'un pays ouvert. Comment faire un pays honnête en étant juste à moitié net? À trop vouloir faire pour les riches, on est juste un pays qui triche. On est juste un pays qui triche. Parqués dans les salons de massage, des Lolitas basanées viennent astiquer le Suisse de passage pour la poésie et l'hygiène. Pendant qu'au palais fédéral, assis sur des lingots douteux, Les banquiers gardent le moral, servent un corps des Alpes et ciel bleu. Comment faire un pays heureux en étant si peu chaleureux? C'est bien joli un pays vert, mais pas tant qu'un pays ouvert. Comment faire un pays honnête en étant juste à moitié net? À trop vouloir faire pour les riches, on est juste un pays qui triche. On est juste un pays qui triche. Il est né peu avant les années 60, il a 7 ans au moment d'Expo 64, et le voilà, Gaspard Lamunière, sociologue de formation, lancé en 1997-98 sur la piste de cette enquête que nous avons évoquée toute cette semaine. Non content de retrouver des documents enfouis, oubliés dans les archives, Lamunière et son complice de réalisateur Bertrand Tebet se lancent même dans une autre recherche qui les envoie aux États-Unis récupérer des microfilms, l'équivalent de 40 000 pages A4, contenant une grande partie du questionnaire mis au point 2 ans avant l'expo. Un matériel jusque-là oublié et qui dort au plus grand regret de tous. Enfin, de tous, de certains. Gaspard Lamunière. Qui était l'Homo Helveticus en 1960 n'intéresse plus personne. Alors, est-ce que parce que c'est l'enquête qui arrive trop tard et qu'effectivement un grand nombre de sujets, la société les a rattrapés, au fond on n'a plus besoin de découvrir ce qu'on vit maintenant? Sans doute, mais je pense que beaucoup de thèmes qui étaient traités dans cette enquête, donc là on est bien d'accord, on parle de ce qu'on appelait la pré-enquête et pas le questionnaire de Gulliver, hein. Donc le questionnaire de Gulliver, il y a la polémique autour de son caractère scientifique ou pas, ou rigoureux ou pas. En l'occurrence, la pré-enquête qui avait servi à préparer le questionnaire, donc où il y avait eu plus de 1000 Suisses interrogés, etc. Il faut quand même savoir que en Europe occidentale, c'était la première enquête sociologique à l'échelle nationale dans un pays. Donc, en plus, cette pré-enquête, elle a un caractère historique dans la mesure où c'était la première fois, aux États-Unis ça se faisait, mais en Europe, c'était la première fois que ça se faisait. Ensuite, quand on analyse les résultats ou certains de ces résultats, alors il y a par exemple 2 domaines où je pense qu'aujourd'hui on pourrait encore tout à fait exploiter ces résultats. Premier domaine, c'est en fait cette réenquête, elle faisait apparaître un très fort clivage entre la ville et la campagne, entre les régions de plaine et de montagne. On est au début des années 60, donc c'est l'immigration qui arrive, la société suisse se transforme radicalement. Et les régions de montagne se sentent prétéritées et larguées, hein, si on veut, petit à petit. Or, aujourd'hui, où on parle beaucoup du Röstigraben, on dit en Suisse qu'en fait, beaucoup de gens analysent le Röstigraben en disant que c'est davantage un clivage ville-campagne qu'un clivage alémanique-roman. Eh bien, moi, par exemple, je souscris à cette idée que c'est plus un clivage entre la ville et la campagne. Eh bien, probablement que si on va rechercher de ce que les gens disaient dans les années 60, on va probablement trouver déjà tous les fondements de ce clivage, de ces deux Suisses, une qui prend clairement l'orientation du 21e siècle et l'autre qui temporise, qui a de la peine à s'adapter à toutes ces mutations. Deuxième grand thème, c'était la politique. Et à l'évidence apparaissait le phénomène de l'abstentionnisme, etc., qui est vraiment aujourd'hui un véritable problème dans notre pays. Eh bien ça, par exemple, je suis sûr qu'il y a énormément de choses à exploiter. Et puis, dernier élément, on est avant 68, donc on est dans toute cette période où toute cette mutation, toutes ces nouvelles idées apparaissent, anti-militaristes par exemple, le féminisme, la culture des jeunes, enfin tous ces phénomènes qui vont vraiment ensuite prendre de l'ampleur, eh bien là, probablement, en 1960-62, on les décèle déjà, et il y a certainement là de l'intérêt à l'analyser, à comprendre qu'est-ce qui amène les gens à cette mutation, à ce refus de l'autorité, à cette affirmation davantage de valeurs individuelles que collectives. Tout ça, c'est des choses, je continue de penser que ça a de l'intérêt. En fait, n'est-ce pas, on... Charles Apetello. On ne demande pas de renoncer à la liberté, on nous demande de se conformer, n'est-ce pas, et que notre liberté soit celle du conformisme. Et je crois que c'est finalement plus grave. Je préférerais pour ma part qu'on attaque directement la liberté d'expression et la liberté d'opinion. De telle manière que ça crée précisément une lutte sur le terrain politique et que nous puissions défendre la liberté d'expression ou d'opinion. Actuellement, ce n'est, je crois, pas le cas. Il semble que nous ayons une liberté, mais finalement nous nous conformons beaucoup trop. Et à mon avis, il n'y a plus de vrai débat sur le plan public. Comment vous repérez aujourd'hui ces zones de conformisme qui sont amplement pointées du doigt par Apetello ? Voyez mon silence. Évidemment, c'est très difficile de répondre parce qu'il est difficile de mettre en cause telle institution, telle... Je dirais, aujourd'hui, nous, dans notre métier, et d'ailleurs, j'avais fait une fois un reportage là-dessus, on est dans un monde de communication. On sait que les entreprises communiquent. On sait que les administrations, que les politiciens communiquent davantage que de répondre à nos questions. Et je dirais, aujourd'hui, pour nous, c'est ça, la grande difficulté. C'est d'aller au-delà d'un discours de communication, mais d'aller au cœur des choses. Et que c'est vrai que si, autour de l'histoire de Gulliver, on s'était contenté de reprendre les communiqués du Conseil fédéral et de la direction de l'Expo en 64, évidemment qu'on n'aurait jamais pu sortir le film qu'on a sorti. Donc je dirais, aujourd'hui, notre difficulté, c'est ça, c'est d'aller plus loin que le communicateur qui nous est désigné pour répondre à nos questions, mais d'aller au cœur des choses et pas celui qui est là en représentation. C'est vrai qu'en 1960, la sociologie est très neuve en Europe. D'ailleurs, l'exemple le plus typique, c'est que pour constituer son équipe, Apetello fait appel à des Parisiens, entre autres, ou à une Suissesse travaillant à Paris. Lorsque le fameux Guiguer cherche des experts pour invalider scientifiquement le questionnaire de Gulliver, il ne trouve que deux assistants de l'université de Berne qui sont des assistants en sciences politiques et pas en sociologie. Donc on est vraiment dans des années où tout ça se crée, tout ça s'invente. Et de ce point de vue-là, encore une fois, cette enquête a une valeur extraordinaire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans tous les milieux, tout le monde est extrêmement attentif à sa communication. Tout le monde a appris par la sociologie, par la science politique, par toutes sortes de sciences qui sont développées, et notamment celle de la communication, apprend à gérer ça. Et donc, effectivement, c'est un paramètre de plus auquel on est confronté. C'est peut-être un effet pervers, c'est vrai. C'est-à-dire que ces disciplines que je respecte énormément, parfois, peuvent avoir cet effet pervers que, ensuite, nous, comme journalistes, on a un contre-coup de tout ça, c'est que on communique et on ne nous répond vraiment plus sur le fond, quoi. Je suis un peu écœuré, disons, de constater qu'en 64, on a fait ce questionnaire et on y a donné réponse. On n'a jamais reçu les résultats. L'Expo 2001-2002 à Neuchâtel, c'est la même chose. On nous a promis beaucoup de choses, puis qu'est-ce qu'on a ? On aura la même chose qu'à l'Expo de Lausanne, c'est-à-dire que pendant 30 ans, on va payer, continuer de payer les conneries, excusez-moi du terme, de ces gens qui manipulent la population. Merci, au revoir. On ne peut pas ne pas parler d'Expo 02, même d'un mot. C'était l'occasion. Je pense qu'effectivement, et ce n'est pas par hasard si la TSR va rediffuser l'émission sur Gulliver à la clôture d'Expo 02, parce que je pense qu'à travers le reportage, on voit bien toute la différence qu'il y a entre ces deux expositions nationales. Une qui est à la réelle recherche d'un contenu, qui est à la réelle recherche d'une véritable interaction et, comment dit-on maintenant, interactivité avec les visiteurs, avec un contrôle fédéral extrêmement fort, et pas seulement financier, mais aussi sur le contenu, mais avec quand même le maintien en 64 de cette grande idée qui est qu'une exposition nationale, ça sert à passer, parler et à faire le point sur le passé, le présent et l'avenir de la Suisse, ce qui était le rôle de cette fameuse voix suisse à l'intérieur de laquelle se trouvait Gulliver. À Expo 02, je ne vois pas où est la voix suisse, je ne vois pas où est la réflexion sur le passé, le présent et l'avenir de la Suisse. Et l'intervention du politique n'a été que financière, ou pratiquement réduite à la question financière. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, finalement, ce concept d'exposition nationale pose toute une sorte de questions, c'est-à-dire que soit on assume véritablement ce que c'est le rôle et la fonction d'une exposition nationale, alors peut-être qu'on cherche à faire quelque chose de plus petit et de peut-être plus proche de l'esprit de 64, ou bien alors c'est cette fuite en avant vers le... On laisse ça au secteur privé et avec tout ce que ça a amené, et je dirais quand même un sérieux manque de contenu de cette Expo 02. Les Aiglons, Expo 64. Ce morceau était destiné à devenir l'indicatif de l'Exposition nationale de Lausanne. Camarade, le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltigeurs et puis quoi? Cours, camarade, les épaves de pavés, les bousculades, les cocktails et puis après. Cours, camarade, le vieux monde sans la poussière. Dernière ruade, et on l'enterre à Nanterre. Camarade, redis-nous ton beau discours sur ton estrade, le poing levé, le cœur lourd. Camarade, le vieux monde reprend son souffle, quelques décades, et tu rentres dans ses pantoufles. Cours, camarade, tes affiches et tes slogans, comme tu les brades pour vendre des brosses à dents. Cours, camarade, le vieux monde t'a rattrapé. Il est malade, tout prêt à agoniser. Cours, camarade, comme tu en crèves avec lui. T'as des bandades, comme on en crève aujourd'hui. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.